Vous écoutez l'émission de Mireille Fréjot, La Belle sans la Bête, le journalisme des profondeurs sur Radio Impact. You know it's what you do when you're thinking. Nobody's looking, no one's looking. Well, you gotta love a lot, whether you want to or you're just dreaming. You're just dreaming. First you hide, then you see. Oh, and you're lonely, week to week. So the story goes, you molest your mind to the promised land, over the border, over the border. Still you hide, then you see. Oh, and you're lonely, week to week. Bonsoir pour la quatrième rencontre. Ici Mireille Fréjot. Alors, une autre semaine extraordinaire, époustouflante, surréaliste. Et je me sentais un petit peu comme dans cette phrase de Serge Gainsbourg. Je veux qu'on arrête la terre pour descendre. Ouais, je serais bien descendue à quelques occasions. Ben, dans un mot sur la censure qui continue. Alors, évidemment, Facebook qui interdit directement ses usagers qui consultent de fausses informations, entre guillemets, avec le lien du coronavirus. Alors, depuis mars, Facebook a supprimé des centaines de milliers de contenus liés au COVID-19 qui pourraient représenter un danger imminent pour la santé. Alors, bien sûr, toutes les affirmations ou suggestions qui lient la COVID et la 5G. Et les utilisateurs qui cliquent sur ce type d'infox, les commentent ou les partagent, reçoivent désormais un message dans leur fil d'actualité, les incitant à consulter des sources sûres, comme le site de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu un moment très rare cette semaine à la télévision française, le professeur Montagnier, célèbre à l'époque du sida, hein, je ne sais pas s'il y en a qui avaient suivi ça, Montagnier et tout l'univers là, du sida à l'époque, prix Nobel de médecine, indique en direct sur CNews qu'il est persuadé que le coronavirus est une création humaine et que les ondes 5G ont pu contribuer à la propagation rapide. Alors à Montréal, ben la mairesse achète des vestes anti-balles. En France, des centaines de drones sont commandés. En Afrique, bien sûr, les vaccinations sur des enfants à Kerbaï se poursuivent à Zoujuan. Et en Allemagne, des scientifiques qui critiquent la situation sont internés en psychiatrie. Et il y a aussi notamment l'avocate Beat Banner qui est en hôpital psychiatrique pour avoir contesté publiquement la constitutionnalité des mesures de confinement. Bien sûr, déjà en 2019, TVA faisait la promotion des nanoparticules injectables sous la peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à l'œil nu, mais visible par un smartphone et qui pourrait un jour servir à confirmer que la personne a bien été vaccinée. La Fondation Gates poursuit le projet et finance des enquêtes d'opinion, mais là, c'est plus rien que des enquêtes d'opinion, là, au Kenya, Malawi et au Bangladesh, pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter ces microscopiques boîtes quantiques ou préféreront en rester aux vieilles cartes de vaccination. On parle des virus 16 transistors, puces liquides injectables depuis 2011, mais on parlait déjà de ces composantes en 2001. Alors, ce sont des créations de plateformes nanométriques de la grosseur de virus capables d'émettre et de recevoir. Ça fait un bail que l'agenda transhumaniste roule à fond de train. Mais malgré toute cette censure, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont là, anyways, depuis très longtemps, depuis en tout cas certainement une quinzaine d'années, puis qui font juste se bonifier avec l'actualité. L'information importante, pour qui le veut bien, se rend tout de même. Et impossible de continuer à dire que ceux qui les diffusent sont des complotistes, des conspirationnistes, des illuminés, etc. Des tas de scientifiques, et pas n'importe lesquels, sont de braves et courageux lanceurs d'alerte. Prêts à tout, mais vraiment à tout, pour nous éveiller. Moi, je salue leur courage. On va faire les remerciements comme le goût fait là, tous les jours. Mais moi, je salue le courage aux lanceurs d'alerte. Et je suis béate d'admiration devant leur amour pour l'humanité, en fait. Car d'un autre côté, il y a vraiment un vent hostile sur la planète. Et d'ailleurs, sur les mots, tu sais, selon Larousse, j'ai jamais trop compris, moi, les gens qui utilisaient ces mots à tort et à raison et les ridiculisaient, parce que selon Larousse, conspiration signifie un complot tramé contre un régime politique ou un homme politique, une cabale, une intrigue dirigée contre quelqu'un, une machination. Et un complot signifie atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement. Ben, des conspirations et des complots, ça existe depuis que le monde est monde, hein. Il y a pas un moment dans l'histoire où il n'y a pas eu de conspiration et de complot et pour tramer le monde et l'histoire telle qu'on la connaît. Alors, je comprends jamais trop bien pourquoi on continue à très mal comprendre ou se servir de ces mots-là. Alors, on va y aller avec une petite pause musicale tout de go avant de poursuivre dans La Belle sans la Bête. There's a demon inside the cage behind bars of memory. Snakes down deep like lava, molten, melting in each crevice, creaking age of myself. Arise from lead and limbs. dreams envisioned as a heavy deadbolt, numbing, knocking thoughts of remind. Keep all this is fleeting, reliving echoes, singing, singing, turning over, over. I miss you, I still miss you. Are you here in this same room with the lives that we spoke to? That the name knew what the feeling soothed. I miss you, but no tale tells how I miss you. Sweet sailor in the same room with the lives that we spoke to. C'était Ayla Nereo avec la chanson Sweet Sailor. La semaine dernière, je vous ai laissé sur l'adolescence, puis je vais continuer avec la musique, tendance actuelle chez les plus jeunes. Alors, une équipe de chercheurs mélomanes a analysé les paroles de 225 chansons ayant occupé la première place du hit parade, donc du classement des meilleures ventes aux États-Unis depuis 2005. Afin d'en déterminer le niveau lexical. Le résultat a montré que les paroles de ces hits, de ces succès, sont en général d'un niveau correspondant à un enfant de 8 ans. Parallèlement, les paroles abrutissantes servent à stimuler non pas une émotion, mais vraiment plus de plus viles pulsions. Le scénario est toujours le même. Le sexe en mode consommation. Voici un exemple des paroles d'un clip de Nicki Minaj dans la chanson Anaconda. On ouvre les guillemets. Mon anaconda n'en veut pas, à moins que ce soit bien gros. Oh mon Dieu, regarde son cul, maintenant c'est bang, bang, bang, bang. Je le laisse y toucher, car c'est un dealer de coke. Ouais, il aime ce bon gros cul. Ouais, cette chanson, c'est pour les filles avec un gros cul. Fermez les guillemets. Je rappelle, hein, c'est vraiment les chansons pour les... C'est les idoles des pré-adolescentes et des adolescentes. Autant filles que gars. Alors, sans cesse, dans les succès de l'heure, on fait l'apologie de la pornographie, de la drogue, des partouzes, de l'érotisation de la violence, sans oublier les odes à Satan. Domination, soumission, violence, c'est cool de se faire malmener. Les femmes y sont présentées comme de vulgaires morceaux de viande, faisant bondir et tressaillir leurs fessiers, les rétrogradant au rang de primates soumises à leurs instincts les plus primitifs. Les véritables guenons, en parenthèse que j'aime beaucoup les grands singes, ont davantage de classe. Sous le couvert de la culture, ces vidéos grossières et obscènes sont visionnées partout, en famille, sur tous les écrans géants et privés, et publics partout. porno, sadomasochisme, vulgarité, dérive, on constate que l'hypersexualisation dans sa plus basse manifestation prend des proportions abyssales. Comme suite du post-féministe, on serait attendu à quelques élévations, à une remontée, à une revalorisation, un respect bonifié du principe féminin. Et non. Par exemple, les skin parties. Voici le nouveau dada de nombreux adolescents. S'offrir des soirées avec des films porno en trame de fond pour des nuits sans limite. Les skin parties, où tout est permis, se basent sur les 3 B. Deux points. Boire, baiser et bédave. Bédave, c'est fumer des pétards, prendre des cachets, de l'ecstasy, de la meth et de la cocaïne. Ce n'est pas sans rappeler la série britannique Skin, créée en 2007, qui racontait le quotidien chaotique d'un groupe de jeunes du sud-ouest de l'Angleterre, partagé entre les cours au lycée et les soirées sans limite. À Paris, c'est aussi devenu un phénomène. Des centaines de fêtards de tous milieux se donnent rendez-vous dans des usines désaffectées ou des appartements privés. J'ouvre les guillemets. C'est le seul endroit où l'on peut vraiment se lâcher sans faire de chichi, confie une participante de 15 ans. Éclairage aux ultraviolets, des coussins partout, c'est plus confortable pour s'y coucher. J'espère, ça c'est un organisateur qui raconte ça, j'espère que ça va les motiver à s'envoyer en l'air. Ça chill, ça flâne, à l'affût de passer une nuit d'enfer au son de la musique techno, favorisant des trans hypnotiques. Dans cette fonte où pullulent des ados maquillés ou trans qui se pavanent en soutien-gorge et porte-jartelles, on trouve des hommes dans la quarantaine trop heureux de se fondre dans cette fonte juvénile. Et bien sûr, une clique est armée de téléphones portables pour capter et filmer tous les détails de ce tableau. De toute façon, de plus en plus tôt, les gamines sont préparées à ce bazar. Jasmine, âgée à peine 11 ans, raconte « Tout le monde ne parle que de ça, ça, le sexe, la baisse, le cul, comme ils disent. Tout le monde dans la cour de récré sait qui l'a fait ou qui va bientôt le faire. Celles qui le font sont étiquetées de putes, mais vaut mieux être une pute que rien du tout, que des filles à qui personne ne parle. N'avoir jamais eu de petits copains, c'est vraiment la honte. Sur les forums adolescents, on s'interroge. J'ai 12 ans et je n'ai jamais eu de copain de toute ma vie. C'est grave? Pensez-vous que la fellation est obligatoire dès la première fois avec un garçon? Se demande une autre de 13 ans. Et des nymphettes de 11 ou 12 ans posent en soutien-gorge et culottes comme des cocottes professionnelles sont légion. Je cherche un mec, écrivent-elles. Mais toute la musique est stimulée dans ce sens-là. Plusieurs bluffent, bien sûr, et racontent une vie sexuelle imaginaire, histoire d'être populaire. De fait, dès l'âge de 8 ans, les termes « sexe » et « porn » sont les mots-clés sur le net. Le Daily Mail a révélé l'histoire d'un jeune Écossais de 12 ans qui, après avoir visionné un film porno sur Internet, a violé sa petite voisine de 9 ans. Il a expliqué qu'il voulait se sentir adulte. La fillette, fort heureusement, a mis ses parents au courant en leur avouant craindre qu'un bébé soit dans son ventre. La sexualisation des enfants et l'accès à Internet a vraiment changé la donne. Mossad perspective que celle qui se trame dans la nouvelle réalité des enfants et des adolescents. S'afficher de manière prématurée comme un homme ou une femme d'expérience, alors qu'au fond, il ne rêve inévitablement que de romances, de princesses et de princes charmants. Cette accélération pressante à faire comme les grands, à sauter les étapes vers la découverte de l'autre, cet autre qui n'est pas qu'un corps sans vie, sans âme, ne peut mener qu'à accentuer les difficultés à entrer réellement en relation. La santé psychique ne peut qu'être endommagée devant toute cette banalisation à se faire violence sexuellement. En parlant d'adolescentes pressées, j'ai eu la chance dans ma période de journaliste d'interviewer Ariel Desabys, auteur de 14 ans et portée disparue. Ariel a compris bien jeune que le sexe mène le monde et elle l'a appris à la dure. Plusieurs ne croyaient pas à son histoire, pourtant c'est documenté depuis plusieurs années. Sur la traite des personnes, Montréal est une plaque tournante. Dans un article publié dans la presse en 2016, les services offerts aux victimes de traite de personnes sont quasi inexistants au Québec, alors que le nombre de dénonciations a quintuplé entre 2009 et 2014 au pays, déplore l'organisme Le Phare des Affranchis. une entrevue avec les présidentes qui étaient dernière, la campagne de sensibilisation avait fait grand bruit durant le dernier Grand Prix de F1 à Montréal, qui disait « Acheter du sexe n'est pas un sport ». Les chiffres qui sortent ne sont que la pointe de l'iceberg, parce que ce fléau clandestin est encore tabou et que les gens ne le dénoncent pas. Ils ne réalisent pas que la traite existe. C'est un des commerces les plus lucratifs au monde et Montréal est vraiment très important dans cette industrie. Que ce soit une personne immigrée en vertu d'un programme de travail ou encore une jeune femme qui se retrouve dans le réseau de la prostitution et de l'exploitation sexuelle et qui par peur est contrainte d'y rester. Plus de 9 victimes sur 10 sont de sexe féminin. Près de la moitié des victimes sont âgées de 18 à 24 ans et le quart d'entre elles sont mineures. En 2014, le Centre régional de coordination contre la traite des personnes de la GRC a établi que 93% des victimes de traite de personnes au Canada sont canadiennes et plus de la moitié sont d'origine autochtone. Je reviens à Ariel des Abysses, qui en fuguant a foncé tête baissée au-devant des pires ennuis. Une plongée inédite dans l'univers violent des gangs de rue. Violée, passée à tabac, isolée, elle est passée un cheveu d'être vendue pour devenir l'esclave sexuelle d'un réseau bien organisé. Une quinzaine d'années plus tard, mais là, c'est donc on rajoute quelques années à ça, elle est sortie de sa coquille et a raconté son histoire. Enfant timide, Ariel avait une faible estime personnelle. Elle a souvent pensé que les gens se foutaient de sa gueule. Il n'empêche que durant sa petite enfance, elle s'est fait un bon fond sur lequel s'appuyer. Charlotte, sa mère, est aimante et fort présente. Elle a fait le choix de rester à la maison pour s'occuper de ses bambins. Henri, son père, est davantage autoritaire. Et comme beaucoup de pères, dès que la puberté et les formes entrent en scène, il s'inquiète et resserre la vis. Pour une gamine éprise de liberté, il fait figure de tyran. Le cyclone père-fille, comme elle le dit, va durer jusqu'à ses 14 ans. Puis, un jour, elle fait semblant de quitter l'école et débarque à une station de métro. Sa fugue va durer 2 mois. Au départ, elle ignore tout des gangs de rue, du trafic sexuel et des filles dressées pour devenir des esclaves. Comme la plupart d'entre nous, elle s'imagine que ça se passe ailleurs, très loin d'ici. Et naïvement, elle espère qu'en fuguant, elle va rencontrer un gentil garçon qui prendra soin d'elle. Le bon gars, tant espéré, prend plutôt le visage de truand, de mac, de proxénète, de dealer, bref, de durs gaillards qui surveillent de près leur placement, leur femme, leur fille. Au début, il feigne la bienveillance, offre gîte et nourriture, ainsi que du pot, de la coke, du speed, de l'ectasy, du crack alouette, tout pour créer une addiction rapide. Aussi, pour bien soumettre les filles, rien de tel que le viol individuel et collectif. Tout pour banaliser l'acte sexuel. « Je suis devenue une loque humaine en 24 heures », dira-t-elle. Toujours gelée, les supposées dettes commencent à s'accumuler, ainsi que la violence. Déjà au sein d'un premier gang, il y a un règlement de compte et les balles sifflent au-dessus de sa tête. « Couchée à plat ventre au sol, dit-elle, j'étais tétanisée, incapable de bouger. » Pourtant, elle réussit à fuir. Puis elle change de gang et devient danseuse. Puis ça, c'est très intéressant, ça revient souvent ces filles qui vont dire la suite. Face aux hommes qui bavent devant elle, Ariel ressent un certain pouvoir. Enfin, du pouvoir. Tu passes de victime, de proie à prédatrice. Tu contrôles. Lui le perdant, moi la gagnante. Explique-t-elle. Très bien d'ailleurs. La vengeance est un plat qui se mange froid et forcément, elle doit s'endurcir pour survivre dans cette jungle. De plus en plus, elle est happée par des forces mauvaises, hostiles et pas grand monde pour la défendre autour. Elle est jeune, faut se rappeler. Forcément, elle devient une pro dans l'art de déconnecter son corps de ses émotions. Plusieurs fois, elle voit la mort de près. Normal, si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent. Et ils veulent qu'elle passe de danseuse à pute. Le pimp la menace. « Qu'est-ce que tu crois, ma petite? Que je t'héberge gratuitement? » En colère, elle se rebiffe et lui crache dessus. Elle reçoit un coup de poing au visage. On lui immerge la tête dans l'eau du bain et on la viole par derrière en même temps. Encore une fois, elle va s'en sortir, sauvée par elle-même. « Je suis très entêtée, dit-elle, non sans fierté. » Dans son dangereux périple, elle rencontre un autre et dernier gang qui lui offre de disparaître définitivement. Destination Niagara Falls. Pourquoi pas, se dit-elle. Sur le coup, l'idée la séduit, mais les procédures sentent mauvais parce qu'Ariel a au fond d'elle quand même un sacré instinct et elle a un sursaut de lucidité. Elle tente de fuir, on l'assomme. Pieds et poings liés, elle se retrouve avec un sac sur la tête. Lorsqu'elle reprend conscience, une terreur sans nom la traverse. Un homme la dépose brutalement sur le sol d'une cave sombre et lui enlève le sac qui recouvre sa tête. La scène est cauchemardesque. 6 autres filles, toutes mineures, étaient assises, enchaînées comme des esclaves. L'endroit dégageait une odeur écœurante qui provenait des seaux en métal remplis d'excréments et d'urine, se souvient-elle. On leur injecte des calmants, on les tabasse et les viole jusqu'au moment où elles seront vendues aux plus offrants. Un véritable cheptel traitant ces jeunes comme des animaux marqués. Lors d'un assaut sexuel, elle profite du moment où son geôlier est en plein orgasme pour lui piquer ses clés et lui enfoncer dans l'œil. Il s'évanouit. Dans son évasion, elle amène avec elle une fillette âgée de 11 ans. Les balles sifflent encore et elle doit laisser la petite derrière elle pour sauver sa propre peau. Elle court et court encore pour se retrouver là où tout avait commencé, à la station de métro. À bout de force, elle va enfin accepter l'aide d'un bon samaritain. Longtemps, elle va taire son histoire. La menace de représailles contre elle et sa famille suffit à lui clouer le bec. Difficile dans ces conditions de dénoncer. Son livre « 14 ans et porté disparu » est, selon moi, un récit inestimable, essentiel. Ce genre d'histoire arrive près de chez vous. Son ouvrage fourmi d'infos et de ressources sur ce sujet très méconnu. Et fort judicieusement, Ariel rappelle que la prostitution juvénile n'existe pas. C'est un leurre, une dénomination qui nous donne bonne conscience, puisqu'elle sous-entend une connotation de choix et qui nous déresponsabilise en tant que société. Seule l'exploitation sexuelle des jeunes personnes existe. C'est un marché très rentable, un commerce connu et reconnu. Cui bono, à qui ça profite? Chose certaine, triste de constater le nombre grandissant de jeunes fugueuses qui rêvent de devenir escortes et qui tombent dans les griffes de gangs de rue. Et son histoire, Ariel, avec la petite criminalité de Montréal, moi je savais qu'elle exagérait pas parce que moi-même, un peu plus âgée qu'elle, par contre, plus vers mes 21 ans, j'ai côtoyé la petite peigne, là, tu sais, de Montréal et tous les comportements aussi policiers à travers de ça et tout ça, puis elle n'invente rien, Ariel. Je vais poursuivre avec une pause musicale de Elephant Funeral, A Lonely Road. We walked a lonely road, so far from home. For hope. All my pride is gone with the truth that I was shown. The truth that I am sure. Ici et ailleurs, la vie d'une adolescente mexicaine n'a pas été de tout repos. Dans une entrevue accordée à CNN, Carla croyait avoir rencontré son prince charmant à 12 ans, mais elle aussi a vécu une histoire d'horreur l'emmenant dans les gouffres de la traite humaine. On y voit le même modus operandi que celui raconté par Ariel. « Il m'achetait des souliers, des vêtements », raconte Carla. « Il me disait que j'étais sa princesse, ce que toute jeune fille voudrait entendre. » Après 3 mois de fréquentation, la relation bascule. Son prince est en fait un proxénète issu d'un groupe criminel. Il a commencé à me frapper avec ses poings et pieds, il me crachait dans la figure, il m'a même brûlé. Chaque jour, des hommes venaient me voir juste pour me ridiculiser et m'humilier, poursuit-elle. Ainsi, durant 4 ans, Carla a été exploitée sexuellement. Une avocate spécialisée au Mexique stipule que les autorités en place ont permis la traite d'humains dans le pays. Des juges, des prêtres, des pasteurs et des membres de la police ont été ses clients. Elle ne pouvait même pas dénoncer parce qu'elle savait que tout le monde était corrompu. C'est l'avocate qui dit ça. Tout le village et même les membres de sa famille étaient au courant. Fort dommage de bousiller sa prime jeunesse. C'est un temps où le courant circule avant d'être encrouté par toutes les habitudes et automatismes de la vie adulte. L'adolescence a un bref moment où l'on sait, où l'on sent que tel truc est intéressant et que tel autre ne l'est peut-être pas, malgré la frénésie de vouloir tellement expérimenter. Ma propre adolescence, pourtant bien compliquée, me paraît quasiment fleur bleue à côté des bourgeons noirs d'aujourd'hui. Sweet 16, voici une autre bribe de mon histoire personnelle qui concerne mes 16 ans et des poussières. Puis là, je retourne au cégep en image. Je vous amène avec moi à Marie-Victorin, au cégep Marie-Victorin à Montréal-Nord. Mue par une sorte de boussole interne, une flopée d'adolescentes arpente les couloirs du collège, semblable aux oiseaux migrateurs à la recherche d'un soleil. Vieille comme le monde, l'exploration est programmée génétiquement au cœur de nos cellules. Sous ces allures badines, la quête est appliquée et surtout fabuleusement vitale. Qui sait quand se pointera l'oiseau rare? Justement, en voilà un. Son look rappelle celui de Robert Redford, le magnifique. Je me reporte à l'époque. Grand gaillard, bien bâti, cheveux blonds, yeux bleus, teint hâlé, sourire ravageur, PA, baigne dans un halo évoquant la pop californienne. Doué pour les sports, mais nul comme élève, c'est un fils à papa et surtout à maman, un oisif qui vit de l'argent de sa famille. Alors que la majorité enfourche vélo ou basket pour se rendre au collège, lui se déplace à bord de son bolide, une rutilante javelin 440. Il aime enflammer l'asphalte, vite, vite, toujours plus vite. Entre lui et sa torpille coexiste une évidente alchimie. Et pour une ado qui rêve, comme moi à l'époque, de quitter le carcan familial, vite et très vite, c'est profondément attractif. La première fois qu'il m'invite à luncher, je me dirige vers la cafétéria du collège, croyant aller manger une frite. « Non, pas ici », me dit-il. Il m'amène plutôt déguster du homard dans un resto chic et engloutir des bouteilles de bon vin. Ça marque, ça. Ça impressionne quand on a 16 ans. Infatigable séducteur, il empeste l'eau de Cologne dès qu'il entre quelque part. Baratineur, comme l'était mon père, c'est un homme à femme. Un athlétique macho devant lequel les adolescentes soupirent. Sa démarche est lente, nonchalante. Il n'écoute que de la musique sale. C'est un blague dans un corps de blanc. Comme par hasard, à cette époque, en raison de ma propre indolence, certaines me surnomment la négresse blanche. Dans nos rôles bigrement testostéronés entre nous, ça colle. Ça diffuse un fumet hautement érotique. On se fixe l'un à l'autre comme des moules à un rocher, comme deux chèvres à leur piquet. Notre relation torride est ponctuée de séparations déchirantes et de réconciliations érotico-électrisantes. Au gré des humeurs, on se vénère et on se hait. On se fait la gueule ou on se la pourlèche avidement. Mon amoureux libidineux, doublé d'un alcoolo, me convie à une grande foire quotidienne. Au début, son cœur de crooner me couvre de cadeaux. Les premiers temps sont idylliques. Il endosse son costume de romantique avec une aisance si racée qu'il m'est difficile d'y résister. Puis, il devient jaloux et possessif. Pour une ado, pareille scène rime avec l'amour, le vrai. Venant d'une famille dysfonctionnelle, je n'ai ni piste ni radar pour me guider, et l'ultime et farouche frontière d'une abusive dominance est vite franchie. Un jour, lors de l'une de ces fabuleuses querelles, délibérément, il finit par encastrer sa voiture contre un arbre avec nous à bord. À ce moment, je prends conscience que nous passons en zone rouge, un avertissement vite fait, que je balance du revers de la main. Tu sais, ça ressemble à ce qu'on vit quand même aujourd'hui, socialement. Je poursuis. Manipulée par mes gènes, obstinée et méga dépendante, je continue à croire que l'on se fera un confortable cocon familial dans une maison de poupée, à vivre une existence aussi idéale qu'une pub de télé. Au final, la plupart du temps, je me retrouve isolée dans ce nid qui n'est plus qu'un mirage, où la dissimulation devient un mode de vie. Mesquinerie et trahison gangrènent ce grand et vrai amour. Bonjour la désillusion. Et mon corps va manifester moult conséquences à se vautrer dans une relation aussi destructrice. Parce que quand on va pas bien, bien sûr qu'on tombe malade. Hein? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler ces temps-ci. D'où l'importance de faire tout son possible pour aller assez bien. Et je vous raconte. Parcours d'un utérus agité. Jadis, Platon écrivait ceci à propos de la matrice. Chez les femmes, ce qu'on appelle matrice ou utérus est un animal au-dedans d'elle, qui a l'appétit de faire des enfants, et lorsque, malgré l'âge propice, il reste un long temps sans fruit, il s'impatiente et supporte mal cet état. Il erre partout dans le corps, obstrue les passages du souffle, interdit la respiration, jette en elle des angoisses extrêmes et provoque d'autres maladies de toutes sortes. Une relation toxique est un sacré étouffoir d'émancipation et une infaillible fabrique de nœuds dans le corps. L'utérus qui n'a déjà pas de tête devient fou et bigrement tourmenté. Je ponds un œuf ou pas. Azimuté dans tous les sens, il ne sait plus sur quel pied danser. Le mien a décidé de se faire la malle, il s'est poussé de ce magma cellulaire qui risque de faire des petits. Mais d'abord, il a pris le temps d'en faire un. Alors que je n'en ai pas fini avec ma crise d'ado, je me retrouve enceinte. Fabriquer un enfant, c'est lourd à porter. Et comme beaucoup d'autres, c'est durant ma grossesse que je reçois les premiers coups de poing dans le ventre de la part de mon chéri, qui jure pourtant vouloir être père et un bon. De mon côté, je ne réponds qu'à un programme animal, celui de procréer. Visiblement, lui aussi. Sur tous les tons, partout, ne nous répète-t-on pas que le vrai drame est de ne trouver nulle part sur cette planète un échantillon de soi-même. Juste à voir la détresse des infertiles face à leurs sources asséchées et leur pathétique lutte pour en venir à bout en déjouant la nature, ça sort de l'entendement. On fait des enfants parce qu'on s'aime, vraiment? Alors que l'on croit cadenasser la relation par le venu d'un poupon, un couple sur deux se sépare au moment où les enfants sont encore très petits, avant leurs 4 ans en fait, et rebelote la garde alternée, une semaine chez papa, l'autre chez maman. Ils sont nombreux à apprécier la semaine de repos, la plage horaire qui permet de s'échapper de la plate routine des tâches domestiques mur à mur, ainsi que la venue d'un amant ou d'une maîtresse avec qui passer du long temps. Quoi qu'il en soit, peu de temps après l'accouchement, je saigne abondamment. Ce ne sont pas des papillons qui virevolent dans mon ventre, mais un véritable capharnaüm. Ça fuit partout. À ce moment-là, j'ignore tout du sens de la maladie. J'ai 20 ans. Mon corps parle, il manifeste quelque chose, mais quoi? Un déni de grossesse qui s'exprime tardivement? Chose certaine, ma tanière génitale et intime n'a plus envie d'abriter quoi que ce soit. Les médecins doivent ouvrir et inspecter la chose. Ils constatent alors un immense abcès tuberculeux dans lequel s'entremêlent l'utérus, les ovaires et une partie des intestins. Tout est retiré. Mon petit bassin devient un trou béant. De plus, j'ai la malchance d'être considéré comme un cas. Comme mon gynéco est aussi le prof en chef de la faculté de médecine, tous les jours il s'amène avec une bande d'étudiants qui, à tour de rôle, me tripotent et me triturent l'intérieur, chacun fouillant allègrement mon anus et mon vagin. Je me sens encerclé par une bande de nazis. Un matin, je dis au chef, au doc en chef hitlérien, un type méprisant et imbu de lui-même, alors je lui dis, j'ai le droit de refuser d'être votre sujet d'étude. Ce à quoi il répond, j'ai le droit de refuser de te traiter. Je ferme donc ma gueule et je laisse faire. Durant l'intervention, j'ai le vif souvenir de m'être réveillée. J'ai senti des mains plonger, tirer et arracher des trucs dans mon ventre. Panique. Une frayeur et une douleur sans nom. Paralysée, incapable d'émettre un son, de lever le petit doigt, de cligner des yeux, j'ai tenté de hurler, de leur crier d'arrêter, mais en échange, un silence total. Voilà bien l'un des pires scénarios les plus redoutés à vivre sur une table d'opération. Pourtant, il ne s'agirait pas d'un phénomène si rare. Paraît-il qu'il concerne un patient sur 700, d'autres avancent un ratio de 1 sur 500. En tout cas, ça arrive. Dysfonctionnement de l'appareil d'anesthésie ou le métabolisme qui résiste à l'effet des analgésiques. Qui sait? Chose certaine, c'est un souvenir et une sensation très désagréable que je garderai en mémoire pendant plusieurs années. Il fut un temps où, du haut de leur science, les anesthésistes rigolaient de ces témoignages. Aujourd'hui, cette possibilité est reconnue par la communauté médicale comme un risque inhérent à l'anesthésie. Ils sont davantage à l'affût des larmes au coin des yeux ou des gouttes de sueur qui peuvent trahir un état de conscience péropératoire. Comme résidu secondaire, durant toute ma vie, j'ai ressenti un profond malaise lorsqu'on me touche le ventre. À propos de la tuberculose, qui serait le point de départ de ma mésaventure, elle résulterait d'une forte dépression. Le sexe, sans en être la cause directe, peut y contribuer en provoquant un effondrement des forces vitales qui soutiennent l'être et engendrer la tuberculose. L'humain moderne n'a pas le solide système nerveux de ses ancêtres, quoique là on est en train de l'entraîner pas mal. Il s'écroule pour un rien. Il n'a pas non plus leur joie de vivre naturelle. Il n'empêche que j'avais quelques raisons de ne pas être à ce moment-là la joie incarnée. J'ai connu des abus sexuels dans mon enfance et ma grossesse a été désastreuse, vachement tristounette. Quand j'étais enceinte de 6 mois, mon conjoint m'a dit un matin « Peut-être finalement devrais-tu te faire avorter. » J'ai su à cette minute que je rejoindrais les rangs des mères monoparentales. Que le désordre physique ait lieu dans cette partie de mon anatomie, ça va de soi. Je songe, d'ailleurs, avec ce qu'on vit en ce moment, à toutes ces femmes qui voient leur avortement reporté ou annulé. Il va des conséquences d'anxiété, de dépression, de détresse incroyables. Dans la presse du 31 mars, on raconte la pandémie, la pandémie, on n'a même plus besoin de la nommer, a des répercussions sur l'accès à l'avortement au pays. Des associations pro-choix exhortent les gouvernements et les collèges de médecins à tout mettre en œuvre pour que les soins relatifs à la santé sexuelle demeurent des services de santé essentiels tout au long de la crise sanitaire. Les mesures de distanciation sociale, les restrictions de déplacement et les fermetures de centres de santé sexuelle sont autant de facteurs découlant de la pandémie qui ont une incidence sur l'accès aux services d'interruption volontaire de la grossesse au Canada. Les établissements médicaux ne sont pas équipés ici pour faire des avortements après la 24e semaine de grossesse. En temps normal, on les envoie alors aux États-Unis, là où c'est possible. Or, maintenant, tout ça est impossible. Je reviens à mes 20 ans. En résumé, durant l'espace d'une année, j'ai été menstruée, enceinte et ménopausée. Une fois tous ces trucs, ces organes évacués de mon système reproducteur, je me sens vidée, sans identité. Si une ménopause est jugée précoce quand elle survient peu avant la quarantaine, imaginez quand elle se déclenche à 20 ans. Ses conséquences sont fâcheuses. Se sentir prématurément vieilli, dévalorisé, déprécié sur le marché. Qui suis-je dorénavant dans une société où la maternité est survalorisée? Et de quelle façon mon corps va-t-il réagir? Je me pose ces questions-là quand j'ai 20 ans. Là. Ma voix va-t-elle devenir plus grave? Vais-je avoir des poils qui me poussent partout? Vais-je me taper de graves complications et conséquences psychosexuelles? Et la fameuse litanie « Pourquoi moi? » Excusez-moi. Tout simplement parce que l'humain a encore besoin visiblement de morts, de drames, de maladies pour se secouer un peu. Dommage, mon filon, celui du look sexy et fertile, si féminin, n'est-ce pas, s'extirpe de ma carrosserie. Je scrute à la loupe les transformations de mon anatomie. Pire encore que d'avoir le sentiment de ne pas être né avec le bon sexe, c'est comme si je n'en avais plus de sexe. Bonjour la dépression. Je vais mettre une chanson maintenant, prendre une petite pause avec... Je sais pas, je vous le dirai après peut-être. I wish I could go. until it's clear. We are aching souls, longing for more, longing for more. C'était My Darling avec Young Lovers. Alors, je reviens à cette histoire-là, l'hystérectomie. Total a lieu un matin et le soir même de cette journée, mon chéri m'annonce qu'il me quitte. Bien qu'étant dans les vapes de la morphine, sous le choc et désemparé, j'arrive à marmonner « Pas maintenant, attends un peu ». À peine ai-je quémandé son soutien et des miettes de pain pour notre enfant qu'il est déjà parti. Notre bébé est âgé d'à peine 4 mois. Comment vais-je y arriver seule et aussi vulnérable? Je suis pas la seule à m'interroger car ma belle-mère me propose une jolie somme pour acheter mon bébé, pour essayer de faire mieux qu'elle avait fait avec son fils, blablabla. Mais bon, bien sûr que je savais, même à 20 ans, que fallait pas vendre un enfant, tu sais. Alors, quoi qu'il en soit, ce soir fatidique à l'hôpital suivant la grande opération, la fuite de PA me confirme mon nouveau statut de perdant, de n'être plus rien. Perdre mon utérus et mon époux le même jour, ça fait beaucoup. Mon désespoir s'étend à perte de vue, rien d'autre à l'horizon. Seule bombe pour encaisser les charges émotionnelles, c'est la morphine et le démirol que les chouettes infirmières m'injectent régulièrement. Le ciel soit loué, c'est piqué, piqué, piqué encore. Mine de rien, je deviens accro aux narcotiques. Quand ça vous attrape, ça vous ne lâche plus, en tout cas, pour un bout de temps. Pour noyer mon chagrin, je plonge dans les médicaments et l'alcool. Plus on s'en sentite, plus on se révolte. La chanteuse Sinéa O'Connor a partagé, d'ailleurs, en 2015, un message inquiétant sur sa page Facebook. À ce moment-là, elle a 48 ans. Elle dit qu'elle s'est réfugiée dans un hôtel d'Irlande et elle souhaite mettre un terme à ses souffrances. « Je vais faire une overdose. Il n'y a pas d'autre solution pour obtenir le respect, » dit-elle. « Je suis une mère horrible. Je suis invisible. » Elle termine en laissant entendre à sa famille qu'ils ont gagné et qu'ils ont finalement réussi à se débarrasser d'elle en l'éloignant de ses bébés. Au passage, elle indique avoir subi une hystérectomie et qu'elle mérite d'être abandonnée et d'être traitée comme de la merde parce qu'on lui a retiré son utérus et ses ovaires. Look sexy, fertilité et maternité, pour terminer sur un « je ne vaux plus rien, ma vie est un enfer », quel sacré programme. Je reviens à mon histoire. Même avec des morceaux de moi partis en lambeaux, même avec même éteinte, il faut continuer. Une croûte d'innocence en moins, bien sûr. J'entends le vombrissement d'une puissante javelin déguerpir de ma vie, tel un frisbee lancé par un Beach Boy. Une partie de mes illusions sont jetées au bord de la route et mon utérus dans les chiottes médicales. Quel flop! Comme il me semble loin, le temps où, excité par l'aventure désinvolte, je grimpais dans le bolide de mon amour en pouffant de rire le monde à mes pieds. Toutefois, le bon côté, c'est qu'à l'âge de 20 ans, les menstruations, c'est fini. Alléluia! Il n'empêche, de quelle façon continuer à séduire quand la dépression met son ombre sur les paillettes et étincelles du pouvoir féminin? La séduction, indésirable, le beau programme animal. Les divas. L'archétype de la femme fatale existe dans de nombreux mythes à travers les cultures de tous les âges. Lilith et Salomé dans la Bible judéo-chrétienne, Aphrodite et Hélène de Troie dans la littérature de la Grèce antique, l'incontournable Cléopâtre, reine d'Égypte ayant séduit les hommes les plus puissants de Rome, toutes sont décrites comme surpuissantes et dangereuses. La femme fatale, la vampe, est pour ainsi dire un vampire sexuel. Il l'avait dans la peau, elle l'a mis sur la paille. Ensorceleuse, riche de ses charmes et appâts, elle consomme la virilité des hommes, elle les vide de leur substance vitale et de leur compte en banque. Séductrice incendiaire, La flambeuse ne se contente pas d'allumer le mâle. Elle souffle sur les braises et le grille comme un petit poussinet bien tendre. Le sexe peut être une arme redoutable. Ainsi, de nombreuses actrices nées servent d'appât pour piéger les guet-apens de nombreuses personnalités et ruiner des réputations. Il ne se passe pas un jour sans que d'obscurs inconnus révèlent leur supposée aventure avec telle célébrité, souvent avec des hommes politiques. Sexe, scandale et politique, un trio maintes fois éprouvé. De surcroît, elles sont plusieurs dans l'histoire, les épouses trompées qui se sont battues pour préserver l'image de leur mari. Prospérité et prestige avant tout. Même humiliées, elles demeurent le pilier du clan, les mères de famille et reines du foyer à la poigne de fer. La femme parure facilite les relations commerciales. Depuis toujours, les repas d'affaires avec les plus belles escortes au monde sont de vieilles techniques utilisées pour stimuler le client. Les femmes rendent les hommes moins intelligents. Ça aussi, c'est documenté. Je dis ça, là, sans méchanceté. Tout comme les hommes voulant se hisser au sommet de la pyramide, la séductrice, simulatrice et cupide est prête à beaucoup, voire à tout pour s'enrichir. Motivée par l'appât du gain, elle a tout de la calculatrice vénale. Pourquoi en serait-il autrement? Bien des femmes carburent aussi au pouvoir, pas que les hommes, on y carbure tous. De fait, depuis la nuit des temps, les hommes sont aiguisés par leur boulimie sexuelle et les femmes en profitent. À l'adolescence notamment, quoi de plus naturel que de fantasmer sur la surpuissance pour se mesurer aux autres? Ce n'est pas par hasard sur les téléséries jeunesse sur les vampires foisonnent au petit écran. Force surnaturelle, charisme inouï, fabuleux pouvoir de séduction, emprise totale sur les autres, vol dans les airs, télépathie, métamorphose en animal ou en vapeur, en gros la magie, l'échange de sang comme symbole d'amour éternel, etc. Il est normal pour un ado de saliver d'envie devant pareil prédateur. Toutefois, à l'instar du baiser boulimique et fatal du vampire, le mécanisme de l'excessive fusion entre deux êtres dont l'énergie vitale de l'un s'échappe au profit de l'autre perdure bien après l'incisive jeunesse. Et nul besoin d'être une vampe accomplie ou sa pauvre proie pour se siphonner les uns les autres. Insécurité, désir d'être aimé, traduire se sentir désiré, excusez-moi, de posséder une parcelle de territoire dans le cœur et le corps de l'autre, autant de bonnes raisons pour se vampiriser allègrement. Ça rappelle les rituels de magie tribale et primitive qui volaient la force de l'ennemi présente dans son sang, son cœur ou son cerveau. En y regardant bien, quelque chose de l'ordre de la mendicité roule à plein régime au cœur de la séduction. Toutes n'ont pas les attributs physiques ou le budget pour se les faire fabriquer afin de péter des scores d'envoûtement. Mais séduire un peu, juste un peu, tout le temps, pour la plupart de nous, ça nous connaît. La séduction trône au cœur de notre vie. Elle la rythme et la dirige. Elle est le moteur d'une quantité de gestes et d'actions banales au quotidien. Elle est mécanique, inconsciente et très animale. Tout ce temps passé à se scruter, se mesurer, s'évaluer, se transformer, s'embellir, se rajeunir, autrement dit à se vendre, tout ce temps de ne pas faire ce qu'on est venu faire ici sur Terre, se connaître, évoluer. Graver au burin dans nos cellules pour survivre, séduire équivaut à évaluer sa valeur marchande et à se rassurer à son sujet. Je vais arrêter ici pour la séduction féminine et je vais revenir à ce qui se passe, tout ça. Je vais y aller avec des mots de Franck Athème, que j'aime beaucoup, qui est un docteur en ontologie, en sciences de l'être, métaphysicien, écrivain, musicien, etc. Les gens identifient inconsciemment les gouvernements à leurs parents et voient papa-maman dans le président de la République et toute autorité officielle. Alors évidemment, ils ont toutes les peines du monde à imaginer que papa-maman pourraient leur mentir ou ne pas avoir de bonnes intentions à leur égard. Ce serait insupportable. Toute leur structure mentale s'effondrerait. Comme si on gardait des moutons, et pour les faire entrer rapidement à la bergerie, on criait « Oh loup !» Une fois tout ce petit monde confiné, il est facile de les vacciner, de leur vendre telle ou telle politique, de les tondre, voire de les égorger pour s'en faire un souper. Ces moutons sont prêts à tout pour qu'on les protège. Ils font une confiance aveugle à papa, dont ils ne peuvent imaginer qu'il ait de mauvaises intentions à leur égard, puisqu'il leur donne à manger. Puis là, il est en train d'enlever à plusieurs. Et si on leur dit, vous ne pourrez sortir que quand le loup sera parti, quand je vous le dirai et aux conditions que je dicterai, les moutons le remercient affectueusement. Papa, maman nous protègent. On a vraiment de la chance d'avoir voté pour eux. Êtes-vous certain de connaître les véritables intentions qui se cachent derrière les discours officiels? Renseignez-vous et vous entendrez ces responsables affirmer exactement cela. Réduire la population humaine de 90%. Nous parquer lorsqu'il est nécessaire dans des camps de concentration virtuels ou effectifs selon les cas, avec l'arme électronique et électromagnétique des puces RFID, sans lesquelles plus aucun paiement ne sera possible lorsque le liquide, l'argent liquide aura été supprimé. Et qui peut interrompre toute fonction physiologique sur commande à distance? Nous habituer à la reconnaissance faciale ou un drone peut vous appeler par votre nom pour vous dire que vous n'avez pas traversé au bon endroit et donc que vous n'aurez pas le droit à votre visa pour voyager, comme on commence à le faire en Chine, le laboratoire grandeur nature du nouvel ordre mondial. Toujours avec le prétexte de la sécurité et de la santé et de nous faire bénéficier, entre guillemets, de la 5G, permettant toutes ces interconnexions et toutes les manipulations mentales. Mais qui tue? Votre vie, c'est un choix, en tout cas la mienne, c'en est un. Puis je crois qu'on a, là c'est Franck Attem a fini sa citation, l'importance, le devoir de s'informer, l'importance en ce moment, l'excessive importance en ce moment de sortir de la mentalité du troupeau, de l'animalité humaine, de s'individualiser pour que chacun devienne vraiment le plus conscient possible et responsable de grandir quoi? Et de faire les bons choix. Comme j'ai lu aujourd'hui sur une page Facebook, j'ai bien aimé l'expression de ne pas être ou devenir un zombie corona adepte. Un dernier mot de cette prime. L'évolution, ça se fabrique sur le vif. On ne sait rien d'avance. Ça se fait avec chaque pas et dans le noir. Mais il y a quelqu'un, entre guillemets, au fond, qui sait et qui pousse. Alors, bonne semaine à tous et je vous laisse sur une chanson Escape de Scott Holm. Écrit par un auteur contemporain? Visitez les éditions Dédicaces. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicaces, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire.